Après une matinée de lente progression à travers la jungle, les marcheurs débouchent dans une clairière. D'étranges cris d'animaux parviennent à leurs oreilles. Tim, Lex et Alan ont à peine le temps de s'abriter sous une souche géante. Un troupeau de dinosaures déferle au-dessus d'eux, mais leur route est soudain coupée par le tyrannosaure brusquement surgi de la forêt. Les dizaines de bêtes s'éparpillent dans la confusion. Qu'est-ce que c'est ? Tim, tu peux me dire ce que c'est ? Galliminus ! Des mangeurs de viande ? Des viandosaures ? Regardez ce tournoiement, ce changement de direction. C'est comme un vol d'oiseau fuyant un prédateur. Il vole par ici. Je veux m'en aller. Regarde comme il mange. S'il vous plaît. Je pense que tu ne regarderas plus les oiseaux de la même façon. Oui. Allons-nous-en. Bon. Laissez-vous et suivez-moi. Ellie et Robert Muldoon, le gardien chargé de la protection des animaux, ont tenté en vain de retrouver Alan et les enfants. Car Denis Nedry, une fois son larcin accompli, s'est échappé. Et il est le seul capable de rétablir les systèmes de sécurité. Ils ne savent pas que celui-ci, en s'enfuyant avec les embryons volés, a été victime d'un dilophosaure. Un dinosaure qui se déplace en sautant comme un kangourou et crache sur ses victimes un venin qui les rend aveugles et les paralyse. Dans la salle de contrôle, M. Hammond décide de prendre tous les risques pour annuler les messages codés qui bloquent les systèmes. Ray Arnold, le technicien en chef de Jurassic Park, s'exécute, conscient qu'il s'agit là de leur dernière chance. Chacun retient son souffle. Ça marche. Il suffit maintenant de rétablir le courant électrique en actionnant les disjoncteurs qui ont sauté lors de la coupure générale. Par mesure de sécurité, tout le personnel de l'île est rassemblé dans un abri souterrain. Ellie se propose d'aller elle-même rétablir le courant au local où se trouve l'armoire électrique construite à l'autre bout de l'enceinte principale. Elle découvre un trou dans la clôture de l'enclos des raptors et se met à courir vers le local. Elle s'y engouffre et claque la porte derrière elle. La voilà en sûreté. Guidée par M. Hammond au moyen d'un talkie-walkie, Ellie parvient à l'armoire et rétablit le courant. Le dernier bouton de commande sur lequel elle appuie est celui de la clôture de l'enceinte principale. Tim, Lex et Alan arrivent en vue du centre des visiteurs. Tous trois atteignent enfin les bâtiments. « Restez là !» ordonne Alan aux enfants, après les avoir installés dans le restaurant du centre. « Je dois retrouver les autres. » Ils ignorent que les raptors échappés ont fait beaucoup de victimes. Dans le bâtiment désert, les deux enfants, seuls, se sentent mal à l'aise. « Mangeons ?» propose Lex. La fillette se fige tout à coup. Du restaurant, les enfants observent le hall où se trouve exposée l'image grandeur nature d'un raptor. Mais la silhouette qui se dessine à côté est celle d'un raptor vivant. Lex aide Tim à se cacher dans la cuisine. Par le hublot de la porte, le cruel animal tente de repérer les enfants. La poignée se met à tourner. Tim et Lex se voient alors avec horreur. Deux raptors s'avancent dans la cuisine en poussant des grognements effrayants. Tim ouvre la porte de la chambre froide dont le sol est une véritable patinoire. Le raptor qui le poursuit ne parvient pas à s'arrêter. Tim en profite pour l'emprisonner en refermant brusquement la porte. Les deux enfants bondissent hors de la cuisine. Une course effrénée les mène dans le hall où ils heurtent de plein fouet deux silhouettes qu'ils n'avaient pas vues dans l'ombre. C'est Alan et Ellie qu'ils retrouvent enfin. Tous les quatre se réfugient dans la salle de contrôle. Il faut démarrer les programmes, s'écrie Ellie. Un raptor est déjà derrière le battant de la porte. Alan s'arc-boute pour le maintenir fermé. Ellie vient à son aide. Même à deux, ils ne pourront pas tenir longtemps. Lex, qui a de sérieuses connaissances informatiques, s'est installée devant un écran. Elle tente plusieurs manipulations. Ses doigts fébriles volent sur le clavier. Voilà, elle a trouvé. Un déclic, et le raptor se trouve enfermé à l'extérieur. Ensemble, Lex et Ellie rétablissent tous les systèmes de sécurité. Jurassic Park est enfin sous contrôle. Alan prévient Monsieur Hammond. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Les enfants vont bien. Appelez la côte. Demandez-leur d'envoyer les hélicoptères. Mais le raptor a déjà fait voler en éclats la fenêtre de la salle de contrôle et il est dans la pièce. Vite, crie Alan, le plafond. Il est le dernier à grimper à l'échelle pour se glisser dans l'espace ménagé par le double plafond. En dessous d'eux, le raptor furieux fait des bonds impressionnants pour tenter de les atteindre. En grondant sauvagement, il parvient à défoncer de la tête la plaque sur laquelle se dissimule Rex. « Dans le conduit d'aération !» ordonne Alan. En suivant le conduit, Tim, Lex et les deux jeunes scientifiques parviennent à une grille donnant sur un hall d'accueil. Au-dessous, les squelettes exposés d'un brontosaure et d'un tyrannosaure sont encore emprisonnés dans les échafaudages. Le petit groupe entreprend alors de descendre le long de cette échelle de fortune, en fait le seul moyen dont il dispose pour s'échapper. « Vite, vite !» s'écria Alan, car déjà le bruit des griffes du raptor retentit dans le conduit. Le voilà qui jaillit au-dessus d'eux, sautant sur la tête du squelette, puis se laissant glisser le long de son cou. Mais le poids est trop important et les fixations cèdent. Pêle-mêle, tous se retrouvent à terre dans un amas d'os, le raptor étendu sur le sol à quelques mètres de là. L'animal tente de se redresser. Les enfants se serrent contre Alan et Ellie, si seulement ils pouvaient atteindre la porte. Mais la fuite est impossible. Un second raptor vient d'apparaître et bloque l'issue. Avec des sifflements, les deux raptors se ramassent, prêts à bondir. Terrorisés, les enfants, Alan et Ellie, semblent perdus quand soudain l'air est déchiré par un épouvantable craquement. Un tyrannosaure vient de faire irruption dans le hall en défonçant l'un des murs. Sa tête gigantesque se baisse, mâchoire béante. Il saisit l'un des raptors entre ses dents et le fait virevolter avant de le jeter violemment à terre pour l'achever. Le raptor pousse un dernier hurlement. Dans le silence qui suit, Alan perçoit le crissement de pneus devant le centre. Monsieur Hammond et Ian Malcolm viennent à leur secours. Le second raptor se jette alors sur le tyrannosaure qui tente de s'en débarrasser. Alan profite de l'affrontement des deux dinosaures pour entraîner tout le monde vers la jeep qui attend dehors et les emmène enfin loin de tout ce cauchemar. Dans l'hélicoptère qui les ramène chez eux, Alan regarde Tim, Lex et Ellie et sourit. S'adressant à M. Hammond, il dit en riant « Vous comprendrez sans doute que je ne cautionne pas l'ouverture de Jurassic Park. » Le milliardaire hoche la tête. Alan et Tim échangent un regard de connivence en apercevant un vol d'oiseaux. Leur formation ressemble étrangement à celle d'un troupeau de dinosaures courant dans une plaine. En supplément de cette merveilleuse histoire, nous vous proposons maintenant de faire plus ample connaissance avec quelques-uns de ces fantastiques animaux qui dominaient le monde il y a plusieurs millions d'années. Le brachiosaure. Le brachiosaure est le premier dinosaure que les visiteurs rencontrent à Jurassic Park. Il mesurait plus de 12 mètres de haut. Tout comme la girafe aujourd'hui, il avait des pattes avant beaucoup plus longues que celles de derrière. Il lui fallait des membres robustes et épais pour supporter son immense corps. Le brachiosaure mesurait en effet entre 25 et 30 mètres et pesait environ 85 à 110 tonnes. Le poids de 14 éléphants tels que nous les connaissons aujourd'hui. Le dilophosaure. Le dilophosaure est carnivore. De part et d'autre de sa tête se dresse une crête osseuse, d'où son nom qui signifie « lézard à deux arêtes ». Il est possible qu'elles aient été aussi colorées que celles que l'on peut voir dans Jurassic Park. Adulte, le dilophosaure mesure plus de 6 mètres et pèse environ 500 kg. Le tyrannosaure. Un tremblement sourd, régulier et massif ébranle le sol de Jurassic Park. Le tyrannosaure se rapproche. Le mot tyrannosaure vient du grec tyrannos, qui signifie maître, et de sauros, qui signifie lézard. Il fut l'un des plus gros carnivores ayant jamais existé et l'un des derniers dinosaures à apparaître sur Terre. Il mesurait plus de 12 mètres de hauteur et pouvait peser jusqu'à 7 tonnes. Sa tête gigantesque aux mâchoires puissantes lui permettait d'avaler ses proies tout entières. Dans Jurassic Park, le tyrannosaure engloutit une chèvre en quelques secondes. Le vélociraptor. Ce dinosaure n'est pas très gros, mais ses puissantes pattes arrière lui permettent de courir très vite et de faire de longs sauts. Son nom signifie « prédateur rapide ». Ce féroce carnivore mesure plus de 2 mètres et pèse de 80 à 100 kg. Le vélociraptor est rusé et possède une arme secrète, d'énormes serres aiguisées comme des rasoirs. Le Gallimimus. Ce dinosaure sans dents ressemble à une autruche. Il mesure 6 mètres et pèse environ 130 kg. Bien que pourvu de doigts en forme de serre, sa meilleure arme pour se défendre reste la course. Le Gallimimus peut atteindre une vitesse de 50 km à l'heure. Le Triceratops. De tous les dinosaures qui peuplent le Jurassic Park, Grant affectionne particulièrement le Triceratops. C'était mon préféré quand j'étais enfant. Le Triceratops possédait une corne au niveau du nez et 2 cornes sur le front. De plus, un genre de collerette se déployait tout autour de ses nuques. Le Triceratops était l'un des plus grands et l'un des plus massifs des dinosaures à cornes. Il pesait plus de 5 tonnes et mesurait 9 mètres de long. Son énorme tête constituait un tiers de son poids et ses cornes lui servaient pour se battre.